Chapitre 13e, le chantage. Hector de Livran, le lendemain de l'enlèvement de la petite Jeanne, rentrait harassé de fatigue vers 11h du soir dans son entresol de la rue d'Anjou et il se couchait après avoir soupé légèrement. Sa pendule marquait 12h15 quand il s'éveilla. Il se leva et s'habilla. Il venait de passer sa robe de chambre lorsque son domestique accourut. « Monsieur le vicomte, monsieur votre oncle désire vous parler, mais comme je pensais que vous dormiez encore, je l'ai prié de vouloir bien attendre au salon. » À ce nom d'oncle, très distinctement formulé, l'ex-ténor, qui n'était le neveu de personne, dressa vivement la tête. « Mon oncle » fit-il avec étonnement. « Un monsieur d'un âge mûr, à l'air respectable et décoré. Faut-il le faire rentrer ?»« Non, allez lui dire que je suis à lui dans un instant. » Le domestique sortit pour porter la réponse de son maître. « Qu'est-ce que cela signifie? Et quel peut être cet homme qui se prétend mon oncle? Et que peut-il me vouloir ?» se demanda Hector, tout pensif. « Si c'est un agent de police ?»« Oh, mais non, non, je connais Angèle, elle se serait fait hacher par morceaux, plutôt que... » Et cependant, il se décida, non sans grande hésitation, à se rendre à son salon. Assis sur un divan, un individu élégamment vêtu, un carreau dans un œil et un ruban rouge à la boutonnière, fumait à l'endresse, tout en inspectant le riche mobilier. « Bonjour, mon neveu, » dit ce visiteur sans gêne. « Monsieur Mélinet !» exclama Hector. « Tu ne t'attendais pas à me voir, n'est-ce pas ? J'étais informé ce matin de ton retour par le Colibri, qui depuis 2 jours faisait faction à la gare du chemin de fer, et je suis venu. Inutile de te demander si l'affaire a réussi, puisque te voilà. « Oui, mais ça a été chaud, très chaud même, » répondit le vicomte. « Raconte-moi la chose, perroquet, je suis tout oreille. » Hector, encore sous l'impression des événements de l'avant-dernière nuit, fit un récit très saisissant de l'enlèvement de la petite Jeanne et des diverses circonstances dramatiques qui l'avaient accompagnée. « Bien, bien, mon garçon, » dit Mélinet en souriant, lorsque le vicomte eut achevé. « Pour ton début, tu ne t'en es pas mal tiré, et décidément, tu promets. Mais quand as-tu remis la fille de la duchesse à la femme du cormoran ? Avant-hier, à 6h du matin, sur la route d'Elben. Donc, comme je lui ai recommandé de s'en revenir à petite journée pour ne pas fatiguer l'enfant, elle ne sera à Paris que dans 8 jours. Son arrivée concordera avec la date de 10 jours consignée dans votre lettre à la duchesse de Clodion. Tu es bien certain que cette lettre lui est parvenue. Je l'ai placée sur un banc dans le pavillon du parc, et à moins d'être aveugle, on a dû la trouver et la lui remettre. Nous sommes aujourd'hui le 15 septembre, reprit M. Mélinet. Sémiramis arrivera donc le 23 et le cormoran, qui doit la rejoindre en route pour surveiller l'enfant, m'informera du jour exact de son arrivée à Paris, et je désignerai immédiatement un prochain rendez-vous à la duchesse. Toutefois, j'ai réfléchi. Je ne veux pas égorger cette pauvre dame et la mettre sur la paille, comme se le proposait la princesse, et je ne lui demanderai, en échange de la remise de sa fille, qu'une honnête rançon. Mais croyez-vous que la chose marchera toute seule ? Dit Hector. Parbleu ! Riposta le chef des compagnons de l'arche. Cependant, si l'oncle s'avisait de prévenir la police, la nièce saurait bien l'en empêcher, car coûte que coûte, elle voudra recouvrer son enfant. Du reste, on n'est pas novice, et l'on prendra toutes ses précautions. Tu peux t'en rapporter à moi là-dessus, mon neveu. Fort bien, capitaine. Mais moi, que vais-je dire à Carmela qui me croit retourner là-bas pour son compte ? Ça t'embarrasse, mais c'est simple comme bonjour, perroquet. Tu lui diras qu'on ramène l'enfant, et quand elle croira mettre la main dessus, le cormoran lui apprendra que j'ai traité avec la duchesse et qu'elle n'a qu'à se présenter chez moi rue des Saules. Je me chargerai de lui clore la bouche si elle s'avisait de vouloir crier par trop fort. Maintenant, mon garçon, un conseil d'ami que je vais te donner avant de tirer ma révérence. L'affaire de la petite et celle de l'anglais te donneront une assez jolie prime. Lorsque tu l'auras encaissée, tu feras sagement, si tu m'en crois, de proposer à ta créole un petit voyage d'agrément, n'importe où. Et une fois en route, rien de plus facile que de la lâcher dans un hôtel quelconque et de filer avec le magot. C'est élémentaire et te voilà passé à l'état de millionnaire. Oui, mais si Carmela, furieuse de voir les millions de la duchesse de Clodion lui échapper, apprend que je l'ai trahi, elle me chassera séance tenante. Maresco se prit à rire en haussant les épaules. « D'abord, répliqua-t-il, elle n'apprendra rien. Et puis elle t'adore, et tu crains qu'elle se brouille avec toi, mon neveu. Tu es fou, parole d'honneur. tout est possible, et c'est vous-même qui me l'avez dit il n'y a pas si longtemps. Et j'ai bonne mémoire, souvent femme variée. Alors je n'ai plus rien à te prescrire, aux grands maux les grands remèdes, » interrompit le capitaine en se levant avec un ricanement sinistre. Puis il sortit. Si bas qu'il fut tombé, Hector de Livran se sentit froid dans les veines en entendant ces paroles dont la signification était des plus transparentes. Pedro Diaz, pendant le trajet de Vannes à Paris, repassait dans son esprit les divers événements qui avaient eu lieu depuis un mois. D'abord, la présence de la créole dans les environs du château de Kerdal, puis la fuite de José de l'île de Boed, ensuite sa tentative de fratricide et enfin le rapt de la fille de la duchesse de Clodion. À ses yeux, le tout se liait, s'enchaînait de la manière la plus évidente. Carmela, après avoir emmené le bâtard de l'île, avait armé son bras et, voyant la fortune de Fernand lui échapper par suite de l'état de folie de son ancien amant, elle avait voulu ressaisir cette fortune en faisant enlever Jeanne. Toutefois, il garda pour lui ses réflexions, se réservant de les communiquer au duc Jean lorsqu'il serait arrivé à Paris. 12 heures après leur départ de Vannes, le marquis, la duchesse et Angèle Maréchal descendaient à l'hôtel de l'avenue Gabriel pendant que Jean de Clodion, ou pour être plus exact, sœur Joanne Asley et Pedro Diaz, rentraient dans l'hôtel de la rue Tilsite. « J'ai eu la même pensée que toi, » répondit le jeune duc lorsque Pedro Diaz lui fait part de ses réflexions. « Comme toi, je vois la main de cette misérable femme dans l'enlèvement de la petite Jeanne, et c'est elle qui dictera les conditions du rachat. Le délai fixé pour les connaître est de 10 jours. 5 jours se sont écoulés. Si l'enfant n'est pas en ce moment à Paris, elle y sera sous 5 jours. Nous avons donc 5 jours pour agir. « Oui, mais comment ?» répliqua Pedro. « Dénoncer Carmela à la police. Nous n'avons aucune preuve matérielle à fournir contre elle, et ce sera mettre en danger la vie de Jeanne. » Pendant que le Texien parlait, Jean, la tête dans ses mains, réfléchissait. Un seul homme peut tout sauver. Je vais lui écrire de venir me trouver, et demain matin, tu lui porteras ma lettre. Le lendemain, à 8 heures du matin, Pedro Diaz se rendait dans un remise à Passy chez Léonce de Folfeuille. Un vigoureux coup de sonnette fit accourir la servante du poète qui avait rompu ses attaches avec la rue de Jérusalem depuis qu'il était rentier et propriétaire. Qui demandez-vous ? Fit la servante en entrebâillant la grille. « Monsieur Léonce de Folfeuille, » répondit le Texien. « Mon maître ne reçoit pas de si bonne heure. Écrivez-lui si vous avez quelque chose à lui dire. » « C'est pire qu'un ministre, » pensa Pedro. « C'est sœur Joanne Asley qui m'envoie auprès de votre bourgeois, » répliqua-t-il. « Sœur Joanne, que ne le disiez-vous tout de suite ?» repartit la servante en ouvrant la grille toute grande. « Monsieur est toujours visible pour sœur Joanne Asley. » Elle conduisit Pedro Diaz dans la bibliothèque que nous connaissons. L'ancien agent mettait la dernière main à une poésie nouvelle intitulée « Ce que disent les hirondelles » et qui devait être la dernière du recueil qu'il se proposait de livrer à l'impression. Son premier mouvement, en entendant le carillon de la cloche, fut un geste d'impatience qui signifiait « Quel est l'important qui vient chez moi par ailleurs ?» Puis le nuage qui avait assombri son visage se dissipa bientôt. « J'ai donné une consigne sévère à ma servante. » se dit-il, elle y conduira l'intrus. Mais son espoir se trouva déçu. La porte du sanctuaire s'ouvrit brusquement et sur le seuil, il aperçut la figure inconnue et jaune de Pedro Diaz. Léonce de Folfeuille allait manifester énergiquement son mécontentement lorsque la voix clairée de sa servante lui cria « De la part de sœur Joanne Asley !» Ce nom produisit l'effet d'un talisman. Le poète se leva et courut à la rencontre du visiteur avec un gracieux sourire. « Je suis à la disposition de sœur Joanne, le jour comme la nuit, et la nuit comme le jour, » dit-il. « Veuillez m'apprendre ce qu'il désire. » Le Texien lui remit la lettre du duc. « Dans 5 minutes, je pars avec vous, » dit Folfeuille après l'avoir lue. Une demi-heure plus tard, Pedro était de retour à l'hôtel de la rue de Tilsite, amenant avec lui l'ancien policier. Sœur Joanne Asley raconta à Léonce l'enlèvement de la fille de la duchesse et lui fit part de ses soupçons à l'endroit de Madame de Sanlouco. « Si c'est elle qui a ordonné le coup, Milord, » répondit Folfeuille, « sous 3 jours, je le saurai, et de plus, je vous indiquerai l'endroit où est caché l'enfant. » Les 3 jours écoulés, le duc Jean recevait ce billet laconique. « Milord, j'ai besoin d'un jour ou de deux. Je suis sur la piste. » Le lendemain, c'est-à-dire le 4e jour, un commissionnaire, porteur d'une lettre, qu'il avait ordre de ne remettre qu'à sœur Joanne Asley en personne, se présentait à l'hôtel de la rue de Tilsit à 7 heures du soir, et la lettre remise à qui de droit refusait toute rémunération en disant qu'on l'avait généreusement payé de sa course, puis il se retirait. Jean de Clodion, vivement intrigué, ouvrit aussitôt la lettre et lut ce qui suit. « Milord, la fille de Madame la Duchesse s'est retrouvée, et c'est à votre seigneurie que revient seul l'honneur de sa découverte. Vous soupçonnez Madame de Sanlouco d'avoir, dans un but d'ignoble chantage, commandé le rapt. Dès lors, j'ai dû supposer que si le coup venait d'elle, elle voudrait savoir s'il avait réussi. La conduite à tenir était donc des plus élémentaires, et puis les gens qui iraient chez la créole, et si elle sortait, la suivre partout où elle se transporterait. Pendant 3 jours, je l'ai suivie, et 3 fois je l'ai vue entrer dans une mauvaise baraque sur la route de Bercy et en sortir immédiatement. Ces 3 visites passablement louches m'ont paru bien autrement suspectes quand, après avoir fait bavarder les voisins, j'ai appris que les locataires de cette baraque étaient partis depuis environ 2 semaines pour aller recueillir un héritage et qu'ils devaient revenir d'un jour à l'autre. Un vieux ficelier comme moi, permettez-moi milord cette expression peu digne du noble langage des muses, se connaît en ficelle, et je me suis dit que l'héritage qu'ils étaient allés chercher cachait tout simplement une récompense malhonnête à leur retour pour l'enfant volé qu'ils ramèneraient. Ce soir, à 6h moins le quart, Madame de Sanlouco est entrée, pour la 4e fois, dans la masure, et elle en est sortie bientôt avec un visage tout désappointé, puis elle a regagné sa voiture. Ce qu'elle attendait n'avait pas encore reparu. J'étais aussi désappointé qu'elle, lorsqu'au moment où je me disposais à m'éloigner, j'aperçus, venant par la barrière de Bercy, une carriole qui se dirigeait du côté des terrains incultes au milieu desquels s'élève la sudite baraque. Quelques instants après, la carriole s'arrêtait devant cette bicoque et une sorte de boule enjuponnée en descendit. Un homme aussi long qu'il était maigre lui passa d'abord un enfant et ensuite un second qui reposait dans un riche berceau. Cet homme, à son tour, descendit à la remise de cheval et la carriole dans un hangar, puis il rejoignit sa compagne dans la baraque. Une vieille femme, celle près de laquelle la créole allait se renseigner depuis 4 jours, sortit du bouge et s'éloigna à travers les champs. Bientôt parurent 2 individus. Dans l'un, je reconnus Maresco et dans l'autre, un des bandits qui se trouvait dans le pavillon de la Reine Blanche le soir de notre équipée. Je m'esquivais afin de n'être pas vu. Ils se séparèrent après avoir échangé quelques paroles, puis Maresco entra seul dans la baraque pendant que son compagnon regagnait le quai. Maresco demeura environ 1/4 d'heure dans le bouge, et à toute minute je m'attendais à le voir sortir avec l'enfant, bien résolu à lui arracher des mains et à le faire arrêter ensuite. Il n'en fut rien. Il partit sans l'enfant et s'en retourna par le chemin qu'il avait pris pour venir. Maintenant, milord, je reste en faction à quelques pas de cette baraque, et dussé-je me faire tuer, la fille de Madame la Duchesse n'en sortira pas avant votre arrivée. L'endroit est facile à reconnaître. Il se trouve à 10 minutes du point de départ des bateaux-mouches, à droite de la berge de la Seine, au milieu de champs de trèfle. Il appartient à votre seigneurie de décider ce qu'elle fera pour reprendre l'enfant, mais à quelque partie qu'elle s'arrête, je l'engage à se bien armer, car le voleur de la petite Jeanne doit être très certainement l'un des affiliés à la bande du capitaine Maresco. « Eh bien, monseigneur, quand voulez-vous partir ?» dit Pedro Diaz d'un ton résolu lorsque le jeune duc eut achevé de lire la lettre de Léonce de Folfeuille. « Le temps de prendre un portefeuille bien garni et un revolver à 2 coups, » répondit Jean de Clodion. « Faut-il dire de faire atteler ? Inutile. Mes gens doivent ignorer où nous allons. Nous trouverons une remise à 20 pas d'ici et nous monterons dedans. » Quelques minutes plus tard, le duc Jean et Pedro Diaz, bien armés tous les deux, sortaient de l'hôtel, prenaient une voiture à l'heure et se faisaient conduire à l'endroit que Folfeuille avait indiqué. Le poète se promenait de long en large, à une distance respectueuse de la baraque des époux Cormorans, sans la quitter un seul instant des yeux. En voyant une voiture s'arrêter à 50 pas du chemin désert, il se douta que c'était Sir Johan Astley qui arrivait. Il ne s'était pas trompé. Sir Johan, après avoir descendu de voiture avec Pedro, se dirigea de son côté. « Elle est toujours là, milord, » dit Folfeuille en le rejoignant. « À présent, que comptez-vous faire ?»« Je suis venu pour chercher l'enfant et je ne partirai qu'avec elle. »« Votre seigneurie a bien pris toutes ses précautions. »« Toutes, » répondit le Texian. « Eh bien, entrons, » dit crânement Léonce de Folfeuille. Pendant que le duc Jean, Pedro Diaz et Folfeuille marchaient d'un pas résolu vers la baraque des époux Cormorans, Fernande recevait un billet tracé comme celui trouvé 10 jours auparavant dans le pavillon du château de Kerdal à l'aide de caractères d'imprimerie découpés et collés ensemble sur une feuille de papier. Voici ce que contenait ce billet. Madame la Duchesse de Clodion est invitée à se rendre toute seule, samedi prochain, 26 septembre, à 6 heures du soir, place de la Concorde, en face de la statue de la ville de Strasbourg. Une femme voilée descendra de voiture et lui demandera l'heure, et Madame la Duchesse lui répondra « Il est l'heure convenue ». Alors la femme voilée remontera dans sa voiture, Madame la Duchesse lui remettra 1 000 000 en 10 liasses de billets de banque, 200 000 francs chacune, et le compte reconnu exact, sa fille lui sera rendue sur le champ. On aurait pu exiger davantage de Madame la Duchesse, mais par un sentiment de délicatesse qu'elle appréciera sans aucun doute, on n'a pas voulu abuser de sa tendresse maternelle. Ce délai de 3 jours a été fixé afin que Madame la Duchesse de Clodion pût réaliser la somme exigée, ce qui lui sera très facile grâce à son immense fortune et à ses liens de parenté avec Monsieur le Marquis de Kerdal, qui est 3 ou 4 fois millionnaire, et dont elle est l'unique héritière. Toute dénonciation ou toute trahison de Madame la Duchesse serait l'arrêt de mort immédiat de sa fille. Cette lettre, comme on doit le supposer, était partie de la rue des Saules. Marescot l'avait adressée à Fernande au reçu d'un télégramme dans lequel le cormoran, qui avait rejoint quelques jours auparavant sa femme à Chartres, l'informait qu'il arriverait à Paris le mercredi dans la soirée. La Duchesse, après avoir lu cette lettre, courut à la chambre du marquis. « Samedi, j'aurai ma fille !» lui dit-elle avec joie. « Lisez, mon cher oncle !» Le vieux gentilhomme prit connaissance du bien mystérieux. « Oui, oui » fit-il tout en réfléchissant. « Mais comment me procurer ce 1 000 000 qu'on te demande ? N'ai-je pas mes biens qui représentent plus du double de la somme ?» reprit Fernande. « Eh bien, je les vendrai !»« Et moi aussi, pardieu, j'ai les miens, ma chère enfant, et si je pouvais en vendre aujourd'hui même, une partie contre 1 000 000 versée comptant, crois-tu donc que j'hésiterais ? Par malheur, les choses ne marchent pas aussi vite. Les propriétés ne se vendent pas du jour au lendemain. Leur vente entraîne de nombreuses formalités, de longs délais, et nous n'avons que 3 jours devant nous. Mais j'ai mes diamants, ceux de ma mère. Réunis aux miens, à peine en retirerions-nous 200 000 francs. Votre notaire n'a-t-il pas de l'argent à vous, mon oncle ? Oh, ce ne serait qu'un prêt que vous me feriez, bien entendu. Les fonds que j'avais chez Hamelin ont servi, tu le sais bien, à payer les dettes de ce misérable bâtard. « Alors, ma fille, ma pauvre petite Jeanne est donc perdue pour moi ?» Et Fernande se mit à sangloter. Le marquis de Kerdal lui prit les mains. « Voyons, mon enfant, ne te désole pas, ne pleure pas. Que diable, tout n'est pas désespéré encore. Vous avez trouvé quelque chose ?» lui demanda vivement la duchesse. « Peut-être. Oh, parlez, parlez vite !»« Demain, j'irai chez Jean. Il a 7 000 000 à la Banque de France. Et mon oncle, mon bon oncle, adressez-vous à tout le monde, mais pas à lui !» interrompit Fernande. « Et pourquoi n'est-il pas ton parent, ton cousin ? Lui seul peut nous tirer d'embarras, et dès ma première parole, il nous ouvrira sa bourse, j'en suis certain, et de grand cœur. Mon oncle, je vous en supplie, je ne le veux pas, je n'y consentirai jamais. Rougirais-tu d'être son obligé, toi qui devais être sa femme ? Sans doute non, mais... Alors tu préfères, ma chère enfant, ne jamais revoir ta fille ? Mon Dieu !» murmura la duchesse, en se cachant le visage dans ses mains. « Si vous saviez, mais non, non, que veux-tu dire ? Explique-toi. Eh bien, je crois que Jean achève. Je crois qu'il m'aime toujours. Et vous comprenez, vous devez le comprendre. Si je recours à lui, j'aurai l'air de spéculer sur son amour. Diable ! » dit le marquis. « En effet, cela dit indélicat, très délicat. » Puis après un silence, il ajouta avec une bonté paternelle. « Et toi, mon enfant, voyons, ouvre-moi ton cœur. Est-ce que, toi aussi... » Fernande, pour toute réponse, se jeta dans les bras du vieux gentilhomme en se cachant le visage. « Pauvre Jean, pauvre Fernande !» dit son oncle en lui prenant la tête à deux mains et en la couvrant de baisers. « Oui, vous étiez faits l'un pour l'autre. Et lorsque je pense que ce misérable a brisé votre vie, anéanti votre bonheur, ah, j'aurais dû le tuer pendant que je le tenais devant mon épée. Aujourd'hui, tu seras libre. » Après avoir prononcé ces paroles, il se laissa tomber sur un fauteuil, absorbé dans ses réflexions et dans sa douleur. La duchesse alla se placer à côté de lui, et elle aussi demeura abîmée dans ses pensées. Rien, depuis 1 heure, n'était venu interrompre le silence dans la chambre du marquis de Kerdal, quand le bruit d'une voiture qui s'arrêtait devant la grille de l'hôtel les arracha tous les deux à leur triste méditation. Plusieurs coups de sonnette retentirent presque aussitôt. Le vieux gentilhomme et Fernande, comme réveillés en sursaut, se levèrent spontanément. « Qui peut venir chez moi à 10 heures du soir ?» dit le marquis en regardant la pendule. « En effet, vous n'attendez personne, » répondit la duchesse, tout aussi surprise que son oncle. Bientôt la grille de l'hôtel s'ouvrit et une voix qui les fit tressaillir tous les deux prononça ces mots. « Annoncez-moi sur le champ à monsieur le marquis de Kerdal. » Il est indispensable, avant de dire quel était le visiteur qui se présenta à 10 heures du soir chez le marquis de Kerdal, de raconter ce qui se passait 2 heures auparavant dans la baraque des époux Cormorans, au moment où le duc Jean de Clodion, Pedro Diaz et Léonce de Folfeuille se disposaient à y entrer. Ce taudis offrait à cette heure-là un aspect tout à fait patriarcal, et si l'ex-agent de police, amant des muses, au lieu d'être dehors, eût été dedans, il aurait poétiquement comparé la blonde Sémiramis, donnant la bouille à ses deux nourrissons, à la troisième vertu théologale qui a pour nom la charité. Son long époux, assis sur un escabeau et le coude gauche sur un genou, fumait une pipe en racine et bruyère, suivant d'un regard anxieux ces deux garçons destinés à perpétuer sa race, qui étaient en train d'escalader la soupente qui leur servait de dortoir. « Pauvre petiote, » dit la boulotte en donnant une dernière cuillerée à Jeanne. « Quoique fille d'une duchesse, elle est bien chétive et ne vaut pas l'argent qu'on demandera à sa mère pour la lui rendre. » Le cormoran, qui pressentait où ce début insidieux menaçait d'aboutir, fit la sourde oreille et envoya dans l'air, coup sur coup, plusieurs bouffées de tabac. La petite Jeanne fut prise d'une toux violente. « Lâche donc la pipe, » continua Sémiramis, « ou tu finiras par l'asphyxier. »« Bon, » reprit le cormoran, « pour un peu de fumée, elle n'en mourra pas. » D'ailleurs, monsieur Mélinet vient de nous dire qu'il la rendrait sous 3 jours à la duchesse, et 3 jours sont bien vite passés. « Monsieur Mélinet, voilà le grand mot parti. » « Ah, mon homme, si tu avais plus de confiance en moi, comme tout irait mieux. »« Je te vois venir, » répliqua l'échalas. « C'est la suite du numéro de la dernière fois, près d'Elben. Tu voudrais opérer pour notre compte et filouter les membres de la société de large de leur côte-part. Mais est-ce de la probité, cela ?» La boulotte partit d'un éclat de rire. « Elle est gentille, votre probité à vous autres, parlons-en, » poursuivit-elle. « Vous volez, vous tuez au besoin, et vous voudriez prétendre au prix Montyon. » Les voleurs sont honnêtes entre eux. « Des bêtises ! Laisse-moi faire, et j'irai trouver cette duchesse, et je lui dirai. Que préférez-vous donner pour embrasser votre enfant, toute votre fortune ou la bagatelle d'une 100 000 francs ?» À coup sûr, elle me répondra, « Ben, pour 100 000 francs. » Je lui rendrai sa fille, et nous filerons en catimini à l'étranger, vivre tranquillement de nos petites rentes. Mais mon dividende dans les opérations de la société, sans compter celle-ci, monte à plus de 60 000 francs, repartit le cormoran. « Compte là-dessus, mon petit, et tu m'en diras des nouvelles. Ton monsieur Mélinet, après avoir fait chanter la duchesse et escamoter les millions de l'anglais, lèvera le pied, aussi vrai que tu es le père de mes 3 enfants, et puis bonsoir la compagnie. » « Le capitaine, objecta son époux, est incapable. Quand on a une figure comme la sienne, on est capable de tout, » interrompit vivement Sémiramis. L'entretien en était là, lorsque la porte de la baraque s'ouvrit tout à coup, et 2 hommes, à la figure résolue, entrèrent brusquement pendant qu'un 3e faisait le guet au dehors. Les 2 hommes qui venaient de faire invasion dans la bicoque étaient Pedro Diaz et Léonce de Folfeuille. Le duc Jean de Clodion avait dû se résigner à remplir l'emploi subalterne d'arrière-garde, et voici pourquoi. Redevenu Sir Johann Astley depuis son retour à Paris, il ne pouvait se révéler sous cette individualité à Cormoran, la filiale à la bande de Maresco, sans s'exposer à voir ce dernier échapper à la souricière qui lui tendait. Il avait donc dû, quoiqu'à regret, déléguer ses pouvoirs à Pedro Diaz et à Folfeuille, sauf à leur prêter main forte si les événements le commandaient. Le cormoran, en voyant son logis aussi brusquement envahi, s'arma de son couteau et se mit sur la défensive. « Abat les armes ou le revolver va parler !» fit l'ex-agent en ajustant le bandit. Le texien, de son côté, avait tiré un revolver de sa poche et l'arma. « Que nous voulez-vous ? » dit Sémiramis, qui jugea utile d'intervenir avec la langue, ne pouvant venir d'une autre manière au secours de Cormoran. « Engagez votre mari à jeter son couteau, » répondit Léonce, qui tenait toujours la gueule de son pistolet braqué sur l'échalas. « Nous désirons causer avec lui amicalement d'abord, puis autrement, si nous ne parvenons pas à nous entendre. »« Allons, mon homme, » dit la boulotte, « Écoute un peu ce que ces messieurs ont à te communiquer. » Cormoran, reconnaissant l'impossibilité de lutter contre deux hommes qui paraissaient déterminés à lui loger des balles dans la tête, jeta son couteau à terre en grommelant entre ses dents. « C'est la rousse, nous nous sommes pincés. » Bien qu'il eût prononcé ces paroles tout bas, Semiramis les avait interceptées au passage et une pâleur livide envahit sa figure habituellement rougeaude. Léon de Folfeuille, qui observait avec attention les diverses impressions du couple, comprit tout de suite la cause de leur épouvante et le parti qu'ils pouvaient en tirer. « Je n'ai qu'un signal à donner, et la police à laquelle j'appartiens va accourir. Mais si vous voulez entendre raison, il ne vous sera rien fait, et vous pourrez vous tirer sain et sauf du guépier dans lequel vous vous êtes fourré. « Parlez, » répondit le cormoran, complètement dompté. « Vous êtes des voleurs d'enfants, » répartit Léonce, « et voilà l'enfant que vous avez volé, » ajouta-t-il en désignant Jeanne que Semiramis tenait dans ses bras. « Elle nous a été confiée, » répliqua effrontément le bandit. « Et par qui ? Par ses parents. « Ce n'est pas vrai, » s'écria Pedro Diaz d'une voix tonnante. « Cet enfant a été volé, il y a des jours, au château de Cardal. « Si cela est, ce que je ne sais pas, ma femme et moi, nous n'en sommes pas responsables, » repartit le cormoran d'un ton hypocrite. « Arrivons au fait, » dit le Texien. « Rendez l'enfant et l'on vous payera généreusement. » Il en tira en même temps un énorme portefeuille gonflé de billets de banque et l'ouvrit. La boulotte lança sur les billets un regard de convoitise. « Peut-être pourra-t-on s'entendre, » répondit-elle, sans quitter des yeux le portefeuille. « Mais si nous acceptons, les autres me tueront. » lui glissa son mari à l'oreille. Semiramis, sans se préoccuper de ses paroles, dit à Pedro, « Combien offrez-vous ? » « 25 000 francs. » se hâta de dire Folfeuille, qui offrait peu, s'attendant bien à être marchandé. « Ce n'est pas assez, » répliqua le cormoran. « Les risques que je cours en me dessaisissant de l'enfant sont trop grands. » Pendant cet échange de mots, Semiramis s'était rapproché peu à peu de son mari, sans que le Texien et l'ancien policier s'en fussent aperçus, et avec son pied gauche, elle avait attiré le couteau tout ouvert demeuré par terre. Puis lorsqu'il fut à sa portée, elle sortit son mouchoir de sa poche, le laissa tomber comme par hasard, et de l'air le plus naturel, le ramassa en ramenant avec lui le couteau devenu invisible. Une fois en possession de l'arme, son attitude, jusqu'alors débonnaire, changea subitement et un mauvais sourire se montra sur ses lèvres. « Si le prix que vous offre mon camarade ne vous va pas, » dit Pedro Diaz à Cormoran, « faites le vôtre. » « Je veux 100 000 francs payés comptant, » répondit le bandit. Le Texien, qui voulait en finir, se disposait à ouvrir son portefeuille quand Semiramis répliqua vivement « 100 000 francs, je refuse. »« Vous êtes folle, la grosse mère, » dit Léonce de Folfeuille. « Et si nous le voulons, nous aurons l'enfant gratis, car nous sommes les plus forts. » La boulotte se prit à rire. « Savoir, » fit-elle. Folfeuille ajusta de nouveau le cormoran. « Assassinez mon homme, si ça vous plaît, » continua froidement Semiramis. « Moi, j'ai la vie de cette innocente au bout de ce couteau. » Il approcha l'arme contre la poitrine de Jeanne. À cette vue, Pedro Diaz pâlit. « Nous donnerons la somme que vous voudrez, » s'écria-t-il. « Fixez-la. »« Allongez 200 billets de 1 000 et je rends la petite, » répondit la mégère. Pedro sortit de son portefeuille 8 liasses de billets de banque de 1 000 francs, de 25 billets chacune. « Vérifie, mon homme, » dit Semiramis. « Passez les chiffons, » ajouta le cormoran. Cette scène, éclairée seulement par la lueur d'une lampe fumeuse, était d'un effet saisissant et qui aurait tenté le pinceau de Salvator Rosa, le peintre des sublimes horreurs, s'il eût été encore de ce monde. Qu'on se représente ces 4 personnages dans ce taudis. Au milieu, au second plan, Semiramis, sans couteau ouvert sur la poitrine d'une pauvre petite créature endormie. À droite, cormoran, comptant l'argent du rachat avec le sang-froid d'un caissier qui fait sa caisse. À côté de lui, Pedro Diaz, le regard fixé sur le couteau de la femme, pendant que Léonce de Folfeuille, son revolver à la main, surveillait l'homme et tout prêt à lâcher la détente. Ce tableau était d'un effet vraiment épouvantable. « La somme y est, » dit le bandit après avoir compté les billets. « Alors voici l'enfant, » dit la mégère en remettant Jeanne à Pedro Diaz qui s'en empara. Il sortit le premier de l'infecte bouge. Léonce couvrait prudemment la retraite du Texien en marchant reculons et son revolver toujours braqué sur les 2 misérables. Au dehors, ils trouvèrent Sir Johan en faction. La nuit l'empêchait de voir la fille de la duchesse. « Eh bien ? » leur demanda-t-il avec une vive anxiété. « Nous avons l'enfant, » répondit Pedro Diaz. « Maintenant, regagnons vite notre voiture, » dit Folfeuille. deux étoiles rouges et immobiles qui se montraient de loin sur la chaussée indiquaient l'endroit où stationnait la voiture dans laquelle sœur Johanna Asley, Pedro Diaz et Léonce de Folfeuille étaient venus. Ils la rejoignirent, montèrent dedans et le cocher reçut l'ordre de les conduire à l'avenue Gabriel. Arrivée devant l'hôtel du marquis, la voiture s'arrêta, un homme en descendit, sonna, puis entra et dit au domestique ces mots qui avaient fait tressaillir le vieux gentilhomme et la duchesse. « Annoncez-moi sur le champ à monsieur le marquis de Kerdal. » Le marquis, en reconnaissant la voix de ce visiteur inattendu, quitta son fauteuil et courut pour le recevoir. La porte de sa chambre venait de s'ouvrir et sœur Johanna Asley apparut, tenant la petite Jeanne dans ses mains. La duchesse, à la vue de son enfant, poussa un cri, un de ces cris qui ne peuvent sortir que des entrailles d'une mère. « Ma fille !» fit-elle en prenant Jeanne des mains de sœur Johanna. Et folle de joie, presque délirante, elle la couvrit de baisers, ne s'interrompant par moments que pour la regarder, s'assurer que c'était bien son enfant, et puis, après la baiser de nouveau, et encore, et toujours. Lorsque cette effusion de tendresse maternelle se fut un peu calmée, elle alla à Jean de Clodion et lui saisissant les mains, elle passa dessus ses lèvres à diverses reprises, sans proférer un mot. Mais son silence en disait plus que n'aura pu le faire toutes ses paroles. « Fernande, ce n'est pas moi qu'il faut remercier, dit le jeune duc, c'est ce brave Pedro et un autre. » Mais déjà la jeune mère ne l'entendait plus. Ses yeux venaient de s'arrêter sur les joues pâlies et les mains maigries de Jeanne. « Pauvre chérie, murmura-t-elle avec des larmes dans la voix, depuis 10 jours qu'elle a vécu séparée de moi, comme elle est changée. Oh, mais à présent qu'elle m'est rendue, la santé lui reviendra, n'est-ce pas, mon oncle, n'est-ce pas ?» Elle allait prononcer le nom de Jean, quand elle s'aperçut qu'il n'était plus là. Le jeune duc, après avoir pressé la main du marquis, avait gagné sans bruit la porte de la chambre demeurée ouverte, et il était allé rejoindre ses deux compagnons qui l'attendaient dans la voiture. « Oh, mes amis, leur dit-il, que n'avez-vous pu, comme moi, être témoin des transports de la duchesse quand elle a revu sa fille ? Son ivresse tenait du délire, et moi-même j'étais si ému, si attendri, que je suis parti sans lui dire adieu. « Allons, voilà une soirée qui comptera parmi les meilleures de ma vie, » dit Pedro. « Moi, » dit Folfeuille, « je l'inscrirai sur mon carnet comme pendant à celle du bal de la Reine Blanche. Mais à propos, Milord, où en est la souricière dans laquelle votre seigneurie doit prendre le chef des compagnons de l'Arche de Noé ?»« Elle est complètement terminée et toute prête à fonctionner, mon cher poète. Maintenant que la duchesse a retrouvé sa fille, je vais m'occuper de Maresco. Déjà hier, à mon cercle, j'ai annoncé devant le vicomte, qui depuis mon retour à Paris ne me quitte pas plus que mon ombre, que mes lingots, convertis en numéraires, étaient revenus de l'hôtel de la Monnaie à la Banque de France. Ce soir, après avoir fait un bout de toilette, j'irai au cercle et je glisserai dans la conversation que je retirerai demain mes millions de la banque pour acheter des rentes sur l'État. Le vicomte ne manquera pas de l'informer sur le champ Maresco, qui de son côté s'empressera de vouloir mettre la main dessus, mais c'est lui qui sera pris. « Ainsi, vous supposez, Milord, que Maresco tentera son coup de main dans la nuit ?» demanda Léonce. « C'est indubitable, car il devrait craindre, s'il la journée, de voir mes millions transformés en 5%. »« Parfaitement logique. Eh bien, Milord, je me propose d'assister à la chose, mais de loin. » Repartit Folfeuille. « Comment cela ?»« Oui, moi aussi, je veux jouer un bout de rôle dans cette représentation au bénéfice de la société parisienne. Oh, un modeste rôle de comparse. Lequel ?» Lorsque le rideau sera baissé, je la prendrai à votre seigneurie. » Folfeuille, après avoir prononcé ces paroles énigmatiques, fit arrêter la voiture. « Comment, vous nous quittez ?» lui dit Pedro Diaz. « Oui, mon brave camarade, répondit l'ex-policier. J'éprouve le besoin de me dégourdir les jambes, et je vais regagner à pied ma délicieuse villa. » Puis, saluant sœur Johanna Asley, « À demain soir, Milord, dit-il, et bonne chance !» Pendant que sœur Johanna Asley, ou le duc Jean, puisque ces deux personnages n'en forment qu'un, faisaient le guet à quelques pas de la baraque, dans laquelle Pedro Diaz et Léonce de Folfeuille étaient entrés, la nuit était venue depuis longtemps. Dans le lointain, on apercevait, à travers la brume, les becs de gaz qui entourent la Seine d'une double girandole de feu. Puis, au-dessus de Paris, on voyait cette buée lumineuse qui est comme la phosphorescence de la grande ville. Tout était vie et lumière du côté des ponts, mais autour du bouge des époux cormorants, tout était sombre, sinistre et comme mort. Il régna en cet endroit désert un silence qui n'était troublé, à intervalles irréguliers, que par le bruit des trains de la ligne de chemin de fer Paris-Méditerranée ou par le passage des omnibus qui, après avoir longé la Seine, se dirigeaient vers la Bastille. Le gène du Clodion, pendant qu'il se faisait sentinelle, n'avait aperçu rien de suspect. Mais si l'obscurité eût été moins grande, il aurait pu voir, à environ 150 pas, du côté opposé au sien, une forme humaine couchée au milieu d'un champ de trèfle. Cet individu, dont il ne soupçonnait pas la présence, était le macaque, qui avait accompagné Maresco jusqu'à la bicoque du couple Cormoran et auquel avait été confiée la surveillance des gardiens de l'enfant volé. Le capitaine, dans les affaires importantes, organisait toujours une sorte d'espionnage mutuel, afin de déjouer toute tentative de trahison. Le macaque, pendant que le maître entrait dans le bouge où Jeanne venait d'être conduite, avait, comme on l'a dit plus haut, regagné le quai. Mais 20 minutes plus tard, il avait reparu au milieu du champ désert, s'était mis à l'affût à une certaine distance de la baraque, puis, après avoir eu soin de s'envelopper dans une grosse couverture de laine, il s'était mollement étendu sur l'herbe. C'était là qu'il devait passer la nuit. Après une faction de 2 heures, qui n'avait été marquée par aucun incident, le bruit de plusieurs pas d'hommes se fit soudainement entendre. Le macaque se souleva tout doucement sur ses coudes et regarda. Il aperçut 3 ombres qui marchaient droit à la bicoque. Parvenus près de la porte, les 3 ombres firent halte, se consultèrent à voix basse, puis 2 entrèrent bientôt dans la masure pendant que l'autre restait dehors en sentinelle. Comme le macaque ne pouvait rien voir de ce qui se passait chez le couple Cormoran, il écouta. Mais il était trop éloigné pour que les paroles échangées dans l'intérieur de la bicoque puissent arriver jusqu'à son oreille. Il était fort perplexe sur le parti qu'il devait prendre. Intervenir en personne lui semblait fort dangereux si le Cormoran était de connivence avec ses visiteurs nocturnes. Il pouvait à la rigueur assaillir à l'improviste la sentinelle et la terrasser. Mais au bruit de la lutte, ses 2 autres camarades pouvaient sortir et jouer des couteaux. Un moment, il eut la pensée de courir informer le capitaine de ce qui se passait. Mais ce projet présentait un grave inconvénient. D'abord, il ne savait rien des motifs qui amenaient ces individus dans la baraque. Puis, pendant qu'ils se rendraient rue des Saules, ces 3 personnages suspects, et c'était plus que probable, pouvaient partir. Après avoir bien pesé le pour et le contre, le macaque se décida à rester à son poste et à tout observer. Au bout d'un quart d'heure, les 2 hommes qui étaient entrés sortirent et s'éloignèrent avec le 3e qui avait servi de sentinelle. Se glissant alors sur le sol, à la façon des reptiles, il les suivit jusque sur le quai et il les vit monter dans une voiture qui les attendait, puis se diriger vers Paris. Il hésita pendant un instant. Montrait-il derrière la voiture pour savoir quels étaient ces mystérieux visiteurs, ou bien s'en retournerait-il vers le bouge des époux Cormoran? Il s'arrêta à ce dernier parti qui lui semblait le plus rationnel. Pour ne pas leur donner l'éveil, il retira ses souliers et fit le tour de la baraque afin de se choisir un poste d'observation favorable. Se hisser sur le toit, s'introduire par la lucarne, c'était facile, mais au moindre bruit, le Cormoran pouvait accourir et lui faire payer cher son espionnage. Restait la fenêtre, qui était toujours éclairée. Mais cette fenêtre s'élevait à 2 mètres du sol et quoique de haute taille, le macaque ne pouvait l'atteindre. Il alla fureter dans le hangar et y découvrit, parmi d'informes débris de toutes sortes, un vieux tabouret encore assez solide sur ses jambes. « Voilà mon affaire !» se dit-il en l'emportant. Il le plaça au-dessous de la fenêtre, monta dessus et son regard put plonger dans l'intérieur du taudis. La première chose que remarqua le macaque, ce fut que le riche berceau était vide. « Plus de doute, pensa-t-il, l'enfant est parti. » Du berceau vide, ses yeux se reportèrent bientôt au milieu de la pièce. Le Cormoran, assis près de Sémiramis, devant une table, recomptait un à un les billets de banque qu'il avait été remis pour prix de sa trahison. Si l'espion pouvait tout voir de son observatoire, il pouvait également tout entendre, car plusieurs vitres brisées de la fenêtre avaient été remplacées par des morceaux de papier huilé. L'entretien des 2 époux était des plus intéressants. « Le compte y est bien, » disait le Cormoran, en ramassant les précieux chiffons de papier éparpillés sur la table. « 200 beaux billets de 1000 chacun. »« Une vraie fortune, celle-là, » repartit la boulotte, dont les yeux étaient rayonnants. « Maintenant, plus de privation, plus de misère. Chaque jour sera pour nous jour de bombance. Nous aurons un bon petit déjeuner bourgeois et un cordon bleu qui, avec moi, ne fera pas danser l'anse du panier. » Son long époux, rappelé à la réalité par une réflexion subite, frappa du poing sur la table. « Tout ça, c'est des bêtises. Avant de savoir ce que nous ferons de nos écus, il faut d'abord mettre notre peau à l'abri de tout danger. »« Qu'avons-nous à craindre ?» répondit Sémiramis, « puisque nous partons cette nuit dans la carriole que j'ai la bonne idée d'amener ici. »« Alors réveille les mioches. » « Et rondement, » répliqua le cormoran. « Pendant ce temps, j'attellerai le cheval, car je n'aurai pas un instant de tranquillité tant que nous serons à Paris. » « Mais de quel côté nous dirigeons-nous, mon homme ?»« Voici mon plan. Nous irons tout d'une traite à Franchard, près de Fontainebleau. Je connais là une petite auberge, le Pélican Blanc, où nous serons en sûreté. Nous y resterons 5-6 jours, le temps nécessaire pour dérouter les recherches des compagnons de l'Arche, puis nous prendrons le chemin de fer qui nous conduira à Marseille, où nous nous embarquerons pour Alger. « Approuvez ton plan, » dit la Boulotte. Le cormoran sortit de la baraque pour aller atteler le cheval à la carriole. Le macaque et son tabouret avaient disparu comme par enchantement. En moins d'un quart d'heure, tous les préparatifs du départ furent terminés, les enfants habillés et juchés sur une botte de paille au fond de la carriole, à côté du bébé qui dormait dans son berceau. « As-tu mis la caisse au bibelot religieux ?» demanda la grosse Sémiramis, pendant que ce long et maigre mari l'aidait à monter dans le véhicule. « Qu'en veux-tu faire ?» répliqua le cormoran. « Si l'autorité s'avisait de nous questionner, nous la lui montrerions et nous prouverions, clair comme le jour, que nous sommes d'honnêtes commerçants. »« Tu as ma foi raison, ma femme, et je vais la chercher. La marmaille sera quitte pour se servir un peu. » Quelques minutes après, le cormoran revenait avec la susdite caisse, la plaçait sur le devant de la carriole, puis fouettait son cheval qui partit au petit trot. M. Mélinet dormait depuis 2 heures lorsque le macaque arriva rue des Saules. Il était environ 2 heures du matin. Mais le chef des enfants de l'Arche avait le sommeil plus léger que sa conscience et il entendit qu'on frappait à sa porte de la façon convenue. Il sauta à bas de son lit, passa une robe de chambre, mit ses pantoufles, mais avant d'ouvrir, il demanda prudemment à travers le judas qui était là. « C'est moi, le macaque, » dit une voix en sourdine. M. Mélinet fit un soubresaut, alluma une bougie et ouvrit. « Pourquoi as-tu quitté ton poste ? » s'écria-t-il avec colère. « Le cormoran et sa femme viennent de filer, » répondit le macaque. « Tonnerre ! » rugit le capitaine. « Ils ont emmené l'enfant et tu ne les as pas tués tous les deux. Ils n'avaient plus l'enfant, ils l'avaient vendu 200 000 francs. »« Les misérables ! La petite valait au bas mot 1 million !»« Mais tu étais là, toi, quand ils l'ont vendu ?»« D'abord, maître, je ne soupçonnais pas la chose. » Puis ils étaient 3 grands gaillards, sans compter le cormoran et Sémiramis et dames, je n'avais que mon couteau sur moi. « Ah, les canailles !» continua Mélinet. « Mais ils ne porteront pas le prix de leur trahison au paradis. Sais-tu au moins quelle direction ils ont prise ? Ils vont à Franchard, où ils doivent rester pendant quelques jours afin de dépister toutes nos recherches. Franchard connu, une vraie ratière. Et ils descendront à l'auberge du Pélican Blanc. « Bien, très bien !» fit le capitaine avec un ricanement sinistre. Tu préviendras les enfants de l'Arche qu'ils devront se trouver demain à midi à l'entrée des grottes de Franchard. Vous irez tous directement à Fontainebleau, par le chemin de fer, sans avoir l'air de vous connaître. Inutile d'informer le perroquet. Nous vous rejoindrons tous les deux là-bas. Compris, maître, répondit le macaque. On sera aux grottes à l'heure indiquée. Ah, j'oubliais, reprit Mélinet. Tu recommanderas au jaguar de se munir de son couteau. Le jaguar, si on se le rappelle, était bouché et le macaque, qui, comme tous ceux de sa bande, ne pêchait pas par la sensibilité, ne put s'empêcher de frissonner en recevant cet ordre du chef. « Pauvre cormoran, » pensa-t-il, puis il se retira. Après son départ, M. Mélinet demeura quelque temps rêveur. Il se demandait quels pouvaient être ces 3 individus qui étaient venus traiter avec les époux cormorans du rachat de la fille de la duchesse de Clodion et quelle était la personne qui les avait envoyés. Il songea d'abord au marquis de Kerdal, qui avait accompagné sa nièce à Paris. Mais il repoussa bientôt cette idée. Comment aurait-il pu découvrir l'endroit où l'enfant avait été conduite ? Du marquis, sa pensée se reporta sur Hector, qui, pour empêcher la rançon de Jeanne d'entrer dans la caisse des compagnons de l'Arche, aurait organisé le coup de concert avec Carmela. « Non, non, se dit-il, ce n'est pas ce bel âtre. Il connaît l'acte additionnel de notre code. » Et il tient trop à sa peau pour nous trahir. Peut-être un mot imprudent relatif à l'enfant lui sera-t-il échappé et Carmela, sans l'en prévenir. C'est ce que je saurai, et malheur à elle, si je ne me suis pas trompé. Pendant que Méliné Maresco se livrait à ses réflexions, le gourmand s'éloignait de Paris avec sa smala et ses 200 000 francs serrés dans une ceinture solidement nouée autour de ses reins. Les mioches, troublées dans leur premier sommeil, ne tardèrent pas à se rendormir. Leur mère avait fini par faire comme eux et à voyager dans le pays des rêves. Lorsque la carriole traversa Melun, les cahots du pavé les réveillèrent. Le jour était venu. Il pouvait être 6 heures du matin. « Où sommes-nous ? » demanda Sémiramis. « À Melun, » répondit le cormoran, qui, pour vaincre le sommeil, avait allumé sa belle pipe en racine de bruyère. « Dans combien de temps serons-nous à Fontainebleau, mon homme ?» reprit la boulotte, tout en se frottant les yeux. « Dans 2 heures, et nous nous y arrêterons pour déjeuner, » dit l'échalas. Quand on fut arrivé à Fontainebleau, toute la petite famille mit pied à terre devant une hôtellerie de 3e ordre. Pendant qu'on préparait le déjeuner et que le bidet se reposait tout en mangeant sa provende, le cormoran prit ses 2 garçons par la main, les conduisit dans une maison de confection et les fit niper des pieds à la tête. Les bambins, qui n'avaient jamais été à pareille fête, étaient émerveillés de leurs beaux habits tout neufs. Ses enfants toilettés, leur père songea à lui et il remplaça ses vêtements usés par un paletot en gros drap marron, un gilet gris de fer et un pantalon de même couleur. Du magasin de confection, il passa dans une boutique de chapelier, acheta 2 casquettes en velours noir pour sa progéniture, et il se fit cadeau d'un de ces chapeaux bas à large bord qu'on ne trouve plus qu'en province. Leur métamorphose était si complète que la boulotte ne les reconnut pas tout de suite en les revoyant. « Ce sont des folies, » dit-elle. « Il faut jeter de la poudre aux yeux lorsqu'on voyage, » répondit sentencieusement son long mari. « Après déjeuner, tu aurais échangé ta défroque contre une autre plus convenable. » Les instincts de coquetterie, longtemps endormis chez Sémiramis, se réveillèrent tout à coup, et ses yeux bleus faïences brillèrent de joie. « Ah, que la fortune est une belle chose !» répliqua-t-elle, en regardant celui dont elle était la légitime épouse. 2 heures plus tard, la carriole emportait la famille Cormoran dans la direction de Franchard, si connue des peintres modernes. Pour aller à Franchard par la forêt de Fontainebleau, il faut traverser le canton du Bas-Bréau et le Cormoran, amoureux de la belle nature et des grands bois, avait suivi le chemin le plus solitaire. L'aspect de la forêt, si riant pendant l'été, était sombre et sévère par cette journée d'automne qu'éclairait un soleil blanc, en partie dépouillé de ses rayons. À travers les taillis, on entendait le vent passer dans les branches sèches qui frémissaient les unes contre les autres avec de petits bruits qui avaient quelque chose de métallique. Sous le ciel gris, on voyait de temps à autre de longues bandes d'oiseaux voyageurs qui descendaient du nord pour se rendre dans les régions privilégiées du midi. Par instants, des chevreuils s'élançaient des massifs et disparaissaient, effarés dans les hautes futaies qui, par leur masse imposante, rappelaient les âges druidiques. Plus loin, le paysage changeait. Une vallée étroite s'ouvrait et de chaque côté, des amoncellements de rochers titaniques se dressaient comme une désolante image du chaos. Le cormoran, dont l'enfance était écoulée à la campagne, laissait aller son cheval à l'aventure et s'abandonnait à de douces rêveries au milieu de ces solitudes silencieuses. Toutes différentes étaient les impressions de Sémiramis, qui, bien que l'épouse d'un bandit, redoutait les mauvaises rencontres. « Ce chemin que nous avons pris est un vrai coupe-gorge, » dit-elle. « On pourrait y être assassiné sans avoir la moindre chance de secours. »« L'endroit, en effet, est un peu désert, » répondit l'échalas. Mais à cette époque de l'année, c'est de rigueur, vu que les rapins qui viennent barbouiller ici pendant l'été sont rentrés dans Paris. Cependant, quoique solitaire, la route n'en est pas moins sûre. » L'événement justifia ses paroles, la famille Cormoran arriva sans encombre à Franchard. Cette petite localité, si chère aux artistes, est située dans une vallée pittoresque. On se croirait en Suisse. Les maisons basses, blanchies à la chaux, avec jardin entouré de haies de chèvrefeuilles et d'églantiers, sans cadre, pour la plupart, dans la draperie toujours verte des lierres. On est là à 100 lieues de Paris. Ici, de robustes garçons et des filles joufflues se livrent en plein d'ardeur aux rudes travaux de la campagne. Là, les fumiers amoncelés fument sous l'action de la fermentation. Plus loin, les poules picorent en toute liberté et voisinent de maison en maison. Ces indices de la vie champêtre rassurèrent complètement Sémiramis, et l'aspect propre de l'auberge devant laquelle ils s'arrêtèrent chassa de son esprit les terreurs qu'il avait assaillies pendant la traversée de la forêt. « Si ce n'était pas aussi près de Paris, dit-elle, j'aimerais à vivre ici. » Lorsque le bidet et la carriole eurent été remisés, le cormoran consultait sa montre. Elle marquait 2 heures. « Encore 4 heures de jour, » dit-il. « Je vais aller faire une promenade avec les enfants. » Un individu déguenillé et à la figure de fouine qui, depuis quelques minutes, rôdait autour de l'auberge et examinait sournoisement le cormoran, s'approcha de lui après avoir mâchonné entre les dents. « C'est bien l'homme que m'a dépeint le particulier de tout à l'heure. « Mon bourgeois, » dit-il à l'échalla, « si vous voulez faire une bonne promenade, je vous engage à aller du côté des roches d'Apremont. C'est tout ce qu'il y a de plus curieux à boire. « Tiens, c'est une idée, » répondit le cormoran. « Ah, pas pour les rochers. Je les connais comme ma poche, mais parce qu'en passant tout près, dans ma carriole, j'ai aperçu de superbes cèpes, et que nous pourrons rapporter un plat pour notre dîner. Les dernières pluies qui ont été chaudes en ont produit une fameuse poussée, » repartit l'homme à la figure de fouine, « et vous êtes sûr de faire une belle récolte. »« Surtout sois prudent, mon homme, » répliqua Sémiramis en clignant de l'œil, et à voix basse il ajouta, « tu devrais laisser les valeurs. » « Aie pas peur, » répondit également tout bas son mari, « elles sont en sûreté là où je les ai mises. En route, les moutards, » dit-il tout haut à ses deux garçons, « prenez un panier, nous allons à la chasse aux champignons. » Les enfants répondirent par des cris de joie dont les enchantait la perspective de marauder dans la forêt. « Surtout ne rentrez pas tard, » leur recommanda la prudente mère de famille. Pendant cet échange de paroles, l'homme déguenillé avait disparu pour aller rendre compte de sa mission au personnage mystérieux qui lui avait donné le signalement de Cormoran. Ce dernier, suivi de ses deux fils, se dirigea vers les gorges qui, après une montée assez rude, aboutissent à la grotte qui a donné son nom à la bourgade de Franchard. Ils arrivèrent ensuite à une sorte de cirque encombré de gigantesques rochers auxquels les hasards des soulèvements antédiluviens avaient prêté les aspects les plus bizarres. Sphinx monstrueux, profil d'animaux impossibles, carapace de tortue colossale pétrifiée, se mêlaient et se confondaient dans un fouillis indescriptible mais grandiose au milieu duquel avaient poussé des arbres énormes dont les feuilles jaunes jonchaient le sol noir et humide, sur lequel des milliers de cryptogames de toutes les nuances dressaient leurs têtes aux formes capricieuses. Les deux enfants se précipitèrent vers ces richesses culinaires. « Attention, mes gars, » dit leur père, « ne nous trompons pas. » Il cueillit alors un cèpe magnifique d'un bras foncé et leur expliqua à quel signe on reconnaissait l'espèce vénéneuse. Les deux mioches se mirent tout aussitôt en quête de champignons, allant d'un côté pendant que le cormoran s'en allait de l'autre. Parfois, il leur arrivait de disparaître au milieu des rochers, mais leurs appels indiquaient bientôt l'endroit d'où partait leur voix. Leur père était donc plein de sécurité, lorsqu'au tournant d'un quartier de roche, il se trouva en présence de la plus terrifiante des rencontres. Deux hommes étaient devant lui. L'un était M. Mélinet, l'autre, le garçon boucher, qu'on avait surnommé le Jaguar. « Je suis perdu, » pensa le malheureux, en portant instinctivement la main à sa ceinture dans laquelle il avait serré ses billets de banque. Puis, saisi d'épouvante, il sentit ses longues jambes s'affaisser sous son corps. Le capitaine n'avait cependant rien de terrible dans sa physionomie. Son habituel sourire bonhomme s'épanouissait sur ses lèvres. « Hé hé !» fit-il, avec un petit ricanement qui ressemblait à un gloussement. « Il paraît que nous aimons les plaisirs champêtres, mon cher cormoran. »« Je fais la chasse aux champignons, » répondit le pauvre diable, plus pâle qu'un mort. « Oui, oui, je sais cela. » continua M. Mélinet avec son éternel sourire. « Tu as emmené tes enfants avec toi, et Madame Cormoran est demeurée à l'auberge. Cela se trouve à merveille, car la chère dame se serait ennuyée pendant la conversation que nous allons avoir ensemble. Vous voulez causer avec moi, M. Mélinet ? Si tu n'étais pas parti aussi brusquement de Paris la nuit dernière, tu aurais appris la convocation que j'ai adressée aux enfants de l'Arche. Hein ? Il y a réunion extraordinaire aujourd'hui, » balbutia le cormoran, qui avait complètement perdu la tête. « À 2 pas d'ici, dans la grotte de Franchard, » répliqua le capitaine, « et puisque le hasard m'a procuré le plaisir de te rencontrer, tu vas m'accompagner. »« Et mes garçons qui sont là-bas ? » dit le pauvre père, « je ne peux pas les laisser seuls en pleine forêt. »« Tes chérubins ne courront aucun risque, l'ami. Je donne l'ordre à l'éléphant de veiller sur eux pendant ton absence. »« Ils vont m'assassiner, c'est certain, » pensa le cormoran. Un moment, il eut l'idée de fuir et il fit un bond en arrière. Mais son mouvement fut aussitôt paralysé par le jaguar qui avait passé lestement son bras robuste sous le sien. « Aurais-tu l'impolitesse de vouloir nous fausser compagnie ?» poursuivit M. Mélinet avec un petit ricanement sinistre. « Que voulez-vous donc faire de moi ? Murmura l'échalas, presque défaillant. Allons, debout. Ce n'est pas le moment de tomber en faiblesse comme une femmelette, dit le jaguar avec brutalité. Marche de bonne volonté, camarade, ou voici ce qui va te donner des jambes. Et il lui montra son large couteau de boucher. Le cormoran comprit que toute résistance deviendrait inutile. Vous avez résolu ma mort, je le vois. Eh bien, faites la chose ici, tout de suite, j'aime autant ça. Si tu n'as rien à te reprocher, tu peux être sans crainte, mais si tu es coupable, tu seras jugé par tes pères, par les compagnons de l'arche, répondit Mélinée, dont la voix douce, jusqu'à ce moment, prit une intonation mordante. Allons en route, les autres nous attendent. Le pauvre diable demeurait immobile, quand une douleur vive le poussa machinalement en avant. Le couteau de jaguar venait de lui entamer les chairs de la cuisse. Il jeta un cri, puis il continua à marcher soutenu par le capitaine. Ils atteignirent en peu de temps les grottes de Franchard. Rien de plus pittoresque que l'aspect de ces grottes béantes qui rappellent les demeures primitives des premières races humaines. Rien de plus sinistre en même temps que ces rochers énormes, enroulés les uns sur les autres, et dont les vastes déchirures semblent avoir abrité un peuple de géants. En entrant sous ces voûtes sombres, le cormoran fut pris d'un tremblement tel qu'il fallut le porter et l'asseoir sur une des pierres qui servait de siège. Tous les compagnons de l'arche de Noé étaient présents, moins l'éléphant, qui avait été commis, comme on le sait, à la garde des deux enfants. Le colibri, le perroquet, le macaque, assis en rond, attendaient muets et recueillis. Sur les visages habituellement gouailleurs de ces bandits, il y avait comme un masque de morne tristesse. Pour la première fois depuis la fondation de la société, ils avaient à juger l'un des leurs, et si endurcis qu'ils fussent, ce n'était pas sans une certaine émotion qu'ils se disposaient à appliquer la loi draconienne qu'ils s'étaient donnée. Peut-être que, livrés à eux-mêmes, ils se fussent contentés de chasser le traître de leur rang, après lui avoir fait rendre gorge, mais le terrible Mélinée était là et il fallait obéir. Ce fut lui qui prit la parole. Il expliqua en peu de mots la trahison de Cormoran, qui, pour s'approprier indûment 200 000 francs, avait causé à l'association la perte énorme d'un million. Un murmure menaçant répondit à cette déclaration. « As-tu quelque chose à dire pour ta défense ?» demanda ensuite le capitaine à l'accusé. Le malheureux se raccrocha à une dernière espérance. Il essaya de toucher le cœur de ses anciens associés. « Si vous aviez été à ma place, vous auriez agi comme moi. Hier au soir, ma maison a été envahie par des hommes armés qui m'ont donné à choisir entre une balle de revolver ou la fortune. Pour sauver ma vie, j'ai dû prendre les billets qui étaient enfermés dans le portefeuille de l'un d'eux. »« Ce qu'il dit est vrai, » répliqua le macaque. « J'ai vu les trois hommes, deux sont entrés chez lui pendant que le troisième faisait le guet au dehors. Il n'était pas venu avec de bonnes intentions puisqu'il s'entourait de pareilles précautions et le cormoran a été contraint de céder à la force. » L'échalas, en entendant ces mots, respira et son regard se tourna vers son défenseur comme pour le remercier. Les autres parurent un moment ébranlés. « Cela ne l'innocente pas, » répondit d'une voix dure le chef des compagnons de l'arche. « J'admets qu'il était forcé de céder à la violence, mais alors il aurait dû rapporter à la société l'argent touché. « c'est vrai !» exclamèrent les bandits. « Pitié grâce !» murmura le cormoran en tombant à genoux. « J'ai des enfants, de pauvres petits-enfants, qui mourront de faim si je meurs. Et les 200 000 francs que tu as reçus, je suis prêt à vous les rendre. Alors la société fera une pension à ta veuve, » répliqua l'implacable Mélinée. Puis il ajouta, « Allons, on voit. Je vote pour la mort. »« La mort !» répétèrent les quatre autres, dominés par l'ascendant du maître. Lorsque ce jugement sommaire eut été prononcé, M. Mélinée, s'adressant au jaguar, dit en désignant le condamné, « Enlève-lui son paletot. » Le cormoran était dans un tel état de prostration qu'il n'opposa aucune résistance, pendant que le jaguar le dépouillait de son vêtement. Le paletot enlevé, la ceinture dans laquelle étaient renfermés les billets, attira l'attention du capitaine. « Les chiffons doivent être cachés là, » dit-il en faisant un signe au jaguar. La ceinture, immédiatement détachée, fut passée à M. Mélinée, qui la déroula et en retira les liasses de billets de banque. Autant qu'il reviendra à la corporation, reprit-il après les avoir serrés dans ses poches. Maintenant, emmène-le et que ce ne soit pas long. Le jaguar chargea le cormoran sur ses épaules et l'emporta hors de la grotte. Il y eut un moment de silence, puis un cri étranglé, pareil à celui qui sort de la gorge avant un dernier souffle, se fit entendre. Le macaque, le colibri et le perroquet frissonnèrent involontairement et pâlirent. Toujours impassible, le chef se tourna vers eux. « À présent, filons. Il faut que tout le monde soit rentré aujourd'hui à Paris. Demain, l'Anglais doit retirer ses millions de la banque, et j'ai décidé qu'il serait dans la caisse sociale pendant la nuit qui suivra. Le coup fait, nous partageons la masse, et chacun de nous sera assez riche pour vivre en bon bourgeois jusqu'à la fin de ses jours. » Quelques minutes après, les grottes de Franchard étaient redevenues désertes, et le cadavre de Cormoran gisait derrière un quartier de roche au milieu d'une mare de sang. Au moment où M. Mélinet, le jaguar, se dressait devant les yeux terrifiés de Cormoran, ses enfants voyaient une sorte de géant qui se dirigeait vers eux. C'était l'éléphant. Les deux bambins se rapprochèrent avec frayeur l'un contre l'autre. Le géant, tout fier de l'effet qu'il produisait, se mit à rire. « N'ayez pas peur, petit !» leur dit-il avec une voix appropriée à sa taille et à sa corpulence. « C'est votre père qui m'a envoyé vous tenir compagnie pendant qu'il cause avec des amis qu'il a rencontrés. » Une demi-heure s'écoula, et de temps à autre, les deux enfants prêtaient l'oreille dans l'espoir d'entendre revenir leur père. Un silence lugubre régnait dans cette partie de la forêt, et ce silence ne fut interrompu qu'une fois, une seule, par un cri déchirant. Ce cri était celui qu'avait poussé le cormoran au moment où il était tombé sous le couteau du jaguar. Les pauvres petits, en entendant ce cri, qui ressemblait à la plainte suprême d'un mourant, tremblèrent comme des feuilles agitées par le vent. « On dirait qu'on assassine quelqu'un là-bas, » murmura l'aîné à l'oreille de son frère. « Peut-être va-t-on nous tuer aussi, » répondit tout bas le plus jeune. Incapable de contenir plus longtemps leur effroi, tous les deux se mirent à pleurer. L'éléphant lui aussi avait entendu ce cri d'agonie, et vivement ému par les sanglots des enfants, il leur prit doucement la main. « La nuit va bientôt arriver. Suivez-moi et je vous ramènerai chez vous, puisque votre père ne revient pas. » Les deux enfants s'empressèrent de le suivre. Après une demi-heure de marche, le géant s'arrêta. « Voyez-vous là-bas ces maisons ? » dit-il en leur montrant un point noir. « Oui, » répondit l'aîné sans avoir regardé. « Eh bien, marchez tout droit devant vous et au sortir de ce sentier, vous tournerez à gauche et l'on vous indiquera votre auberge. Mais notre père, il est rentré sans doute, il vous attend pour dîner. » Les deux pauvres enfants se mirent à courir à toutes jambes au hasard, heureux d'être délivrés de leur redoutable compagnon. Sémiramis, on se le rappelle, avait vu avec une vague appréhension son mari aller en excursion dans la forêt. En effet, lorsqu'on porte sur soi 200 000 francs, il est peu prudent de s'aventurer dans des lieux déserts, si bien famés d'ailleurs qu'ils puissent être. Toutefois, ses craintes s'étaient peu à peu évanouies, en réfléchissant qu'il faisait grand jour, et que personne ne pouvait soupçonner le trésor qu'il tenait caché dans sa ceinture. Mais les heures s'écoulaient, le jour commençait à baisser, et le cormoran et ses enfants ne revenaient pas. À diverses reprises, elle sortit de l'auberge dans l'espoir d'apercevoir de loin les retardataires. La route qui conduisait aux grottes était déserte. La nuit arriva, une nuit sans lune et sans étoiles. Le vent qui soufflait de l'ouest avait amené de grands nuages sombres qui menaçaient de se changer en pluie. Bientôt la pluie tomba, légère d'abord, ensuite torrentielle. Son inquiétude alors devint de l'épouvante. Elle attendit cependant encore, mais personne n'apparut. Un frisson pareil à celui qui précède la fièvre passa par tout son corps. « Bien sûr, quelque malheur est arrivé, » dit-elle, se parlant à elle-même. Sémiramis, nous l'avons vu, était une nature énergique. Au lieu de se lamenter, elle résolut d'aller à la recherche de son mari et de ses enfants. Elle rentra dans l'auberge, jeta un châle sur ses épaules et demanda une lanterne. « Où voulez-vous donc aller ?» lui demanda l'aubergiste. « Mon monde est en retard, » répondit-elle, « et je suis inquiète. » Elle se mit bravement en route après s'être fait indiquer le chemin qui conduisait aux grottes. Ce chemin étroit et sombre en plein jour avait, pendant la nuit, un aspect sinistre. Mais elle songeait bien à la peur, la vaillante créature. Elle ne pensait qu'à son mari et à ses deux garçons, qu'elle aimait avec rage, à la façon des fauves. Elle marchait aussi vite que ses petites jambes et le sol détrempé par la pluie, qui tombait toujours, le lui permettait. Par moments, elle s'arrêtait et prêtait l'oreille. D'abord, elle n'entendit que les fouettements de la pluie et les sifflements du vent passant à travers les hautes roches qui bordaient les sentiers. Puis, il lui sembla qu'il se faisait comme un piétinement sur les cailloux à une certaine distance. Elle se pencha sur le sol pour mieux entendre. Des petits pas, des pas d'enfant, se rapprochèrent peu à peu. Elle sentit sa poitrine comme allégée d'un poids pesant et elle se prit à espérer. « Mes garçons, sans doute !» se dit-elle. Mais de nouveau, elle se sentit envahie par la terreur. son mari portait de gros souliers ferrés qui auraient dû résonner sur les cailloux et signaler sa présence, et dans le bruit qui avait attiré son attention, elle n'avait reconnu aucun bruit semblable. Cependant, les pauvres enfants qui s'étaient égarés, ayant aperçu une lumière au milieu des arbres, pensèrent qu'on venait à leur rencontre, et ils accoururent dans cette direction. « Mère, mère !» s'écrièrent-ils en même temps, en se précipitant vers Sémiramis et en s'accrochant à ses jupons. « Votre père, où est votre père ?» leur demanda-t-elle. « Il doit être rentré depuis longtemps à l'auberge, » répondirent les deux enfants. « Il n'était pas encore de retour quand je suis parti, et sans doute nous les trouverons en rentrant, » reprit leur mère en dominant son émotion. « Mais expliquez-moi comment il se fait qu'il vous ait quitté. » L'aîné de ses fils raconte alors que, s'étant un peu écarté des rochers, ils avaient fait la rencontre d'une espèce de géant envoyé par leur père qui causait avec des camarades et que ce géant les avait forcés à rester avec lui pendant plus d'une heure. « Mais quels étaient ces gens avec lesquels causait votre père ?» dit Sémiramis tout haletante. « Dame, nous ne savons pas, de gros rochers nous empêchaient de les voir. » Ne se querellaient-ils pas entre eux ? Ils étaient trop loin pour que leur voix arrive jusqu'à nous. « Ainsi, vous n'avez rien entendu ?»« Rien, » dirent en même temps les deux enfants. Puis l'aîné se reprit. « Si, nous avons entendu quelque chose qui nous a fait grand-peur. Qu'était-ce donc ?»« C'était comme le cri d'un mouton qu'on égorge. »« Ah !» fit Sémiramis, toute frissonnante. « Et de quel côté avez-vous entendu ce cri ?»« Il semblait venir des grottes. »« Et où sont-elles, ces grottes ?»« Dame, mère, je ne me rappelle plus bien. »« Il faut te rappeler. »« Et puis il fait si noir. »« Ma lanterne t'éclairera. » L'enfant regarda autour de lui, sans reconnaître tout d'abord les lieux. « Eh bien ?» interrogea sa mère. « Je crois que c'est là-bas à droite, de l'autre côté de la route, » dit l'enfant. « Oui, oui, c'est là que sont les grottes. Eh bien, allons-y, » reprit Sémiramis. « Nous ne retournons pas à l'auberge ?» demandèrent les deux garçons. « Plus tard, il faut d'abord retrouver votre père. Mais tu disais tout à l'heure qu'il devait être rentré. Ça ne fait rien, je veux voir les grottes, » répliqua la mère. C'était un bien lugubre spectacle que celui qu'offraient ces deux pauvres petits-enfants trempés jusqu'aux os, qui se traînaient en trébuchant à chaque pas au milieu de flaques fangeuses, dans la direction des grottes, à la lueur tremblotante d'une lanterne qui n'éclairait leur route que pour rendre les ombres plus effrayantes. Après une demi-heure de marche, l'aîné s'arrêta. « C'est là, mère, » fit-il en désignant les rochers. « Restez ici, » dit Sémiramis, « je vous rejoins dans un instant. »« Mais nous aurons peur tout seuls, » répondirent les deux enfants en la prenant chacun par un coin de sa robe. Sémiramis entra résolument sous la voûte noire. Les premiers objets qui frappèrent ses regards furent le paletot et la ceinture vide de Cormoran. « Ils ont volé et assassiné mon homme, » murmura-t-elle. « Le père est mort ?» demanda l'aîné en se mettant à sangloter. « Tais-toi !» ordonna sa mère. « Ce ne sont pas des larmes qu'il faut, c'est du sang !» L'enfant, sans comprendre, cessa de pleurer. Sémiramis fit le tour de la grotte, mais sans trouver le corps de son mari. « Sortons, » dit-elle, « c'est dehors que nous devons chercher. » Elle se glissa alors à travers les grandes roches, regardant et furetant dans les anfractuosités à l'aide de sa lanterne. Tout à coup, l'aîné de ses fils poussa un cri. « Qu'y a-t-il ? » demanda sa mère en se retournant brusquement. « Il y a du sang sur une pierre, » répondit l'enfant. Elle accourut. En effet, le rocher avait des taches rouges. Elle baissa sa lanterne. Derrière ce rocher était une mare de sang, et à côté de cette mare, le corps de son mari. L'aspect du cadavre était horrible. La gorge avait été tranchée d'un seul coup et la tête était presque séparée du tronc. La figure pâle du mort avait conservé l'empreinte de la terreur et ses yeux tout grands ouverts semblaient encore voir apparaître une terrible vision. À cette vue, les deux enfants poussèrent des cris déchirants. « Votre père sera vengé !» leur dit Sémiramis. En les embrassant, je ferai couper le cou à ces assassins. Bientôt, elle s'arracha de leurs bras et dirigea de nouveau la lumière de sa lanterne sur la blessure béante de Cormoran. « C'est le jaguar, » continua-t-elle, « il n'y a que lui qui puisse saigner ainsi un homme. » Puis, se rappelant le portrait qu'avaient fait ses enfants du géant qui les avait retenus prisonniers, elle ajouta « Lui, c'est l'éléphant, et ce sont les compagnons de l'arche qui ont fait le coup. Ils y passeront tous. » Alors elle s'agenouilla, et baisant le front pâle du mort, « Adieu, mon pauvre Cormoran, » murmura-t-elle, « adieu, le sang de tes assassins me paiera le tien. » Elle le regarda une dernière fois, et, se relevant, « À présent, venez, » dit-elle à ses enfants, « où nous conduisez-vous, mère ?» lui demandèrent les pauvres petits. « À la vengeance, » répondit-elle d'une voix farouche.